historienne, directrice de recherche au CNRS et spécialiste d'histoire, on va dire, allez à la louche, coloniale, postcoloniale, de l'Algérie et du Maroc. Et aujourd'hui, je vais partager un peu avec vous des souvenirs d'usagères liés à la fréquentation d'une bibliothèque, plus exactement d'un centre d'archives d'une congrégation missionnaire qui est située à Rome. Et ce sont des souvenirs d'usagères, donc voilà, les souvenirs passent le filtre de la mémoire et ont forcément un caractère subjectif que j'assume totalement. Excusez-moi, je n'aurai pas le caractère technique de tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, ce n'est absolument pas ma spécialité. Mais oui, pratique d'une usagère et souvenir d'un centre d'archives. Alors juste quelques mots sur cette congrégation, c'est la Société des missionnaires d'Afrique. Plutôt la Congrégation des missionnaires d'Afrique, qu'on connaît plus communément sous la formule Société des Pères Blancs. Et cette congrégation, elle a été fondée en 1868 à Alger par Charles de la Vigerie, qui était anciennement évêque de Nancy, promu archevêque d'Alger, deviendra par la suite cardinal primat d'Afrique. Donc c'est un grand prélat et un grand nom de l'Église catholique de la fin du 19e. Donc ça me dérange un peu. Hein, ce bruit, ça me dérange un peu. Il y avait du truc. Je l'ai éteint. Ah oui, d'accord. Okay. Je pensais pas que ça allait aussi fermer le... Et c'est un personnage assez très très intéressant, assez exceptionnel, très haut en couleur, extrêmement ambitieux et qui avait une idée très très précise de ce qu'était sa fonction d'archevêque d'Alger et peut-être un peu mégalomane aussi puisqu'il crée sa propre congrégation, ne pouvant pas agir sur le terrain comme il l'aurait souhaité. Donc il crée la Société des Pères Blancs en 1868, qui est un institut essentiellement orienté vers la mission, voilà, en latin ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur, et donc orienté vers les contrées lointaines. Et dès l'origine, Charles de la Vigerie avait clairement défini et formulé en fait ses priorités, hein, donc il définissait son projet, c'est-à-dire constituer une société consacrée à l'évangélisation de l'Afrique, du nord au sud, constituée d'hommes de toute nationalité et prêts à s'engager dans un style de vie marqué par l'esprit de famille et par le travail en commun, et avec une triple exigence: tu parleras la langue des gens, tu mangeras leur nourriture, tu porteras leur habit. Et donc là, cette nouvelle société, donc missionnaire, avait très tôt, dès 1868, pris d'ailleurs l'habit arabe, hein, donc la gandoura, le burnous, la chéchia, et avec comme signe religieux un rosaire en bois porté autour du cou comme on porte un collier. Et ces débuts de la mission, donc des Pères Blancs, se sont déroulés en fait dans un cadre qu'on a formalisé comme un cadre de la présence et du témoignage chrétien en milieu entièrement musulman, donc plus précisément en Algérie, au Sahara et en Tunisie. Ils se sont un peu cassés la figure au Maroc, de raisons dont on pourrait parler tout à l'heure. Mais bien évidemment, la Vigerie voit très grand, et en acceptant l'archevêché d'Alger, lui, il avait écrit à un de ses amis: l'Algérie n'est qu'une porte ouverte sur un continent de 200 millions d'âmes, qu'il s'agit de christianiser. Et évidemment, assez vite, en fait, l'horizon apostolique s'élargit et le pape Léon XIII avait confié à la Vigerie de très larges régions de l'Afrique subsaharienne et de très larges, donc de l'actuelle, par exemple, l'actuelle République démocratique du Congo, jusqu'au rivage donc, de l'océan Indien. Et il avait tenu également à fonder une communauté à Jérusalem. Cette communauté est présente jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, engagée notamment dans le dialogue avec les églises d'Orient. Voilà, très rapidement donc, et pour vous donner juste une idée, que cette institution et cette société aujourd'hui compte 1232 missionnaires d'Afrique, hein, de 36 nationalités différentes, réparties sur plus de 200 communautés, travaillant dans 42 pays, particulièrement grande majorité, en grande majorité dans des pays africains. Alors, m'étant, moi, intéressée très tôt à l'histoire de l'Église d'Algérie, donc et surtout aux relations entre colonisation et évangélisation, je me suis retrouvée, bien évidemment, tout naturellement, à fréquenter la documentation de cette société missionnaire très tôt, il y a plus de 30 ans. Je sortais de ma licence et je commençais ma maîtrise, à l'époque on disait maîtrise. Et cette documentation, en fait, elle se trouvait en Algérie, d'abord à Alger, à la maison généralice d'Alger, jusqu'en 1954, et début de guerre d'Algérie oblige. Toute la documentation et les archives ont été transférées donc, à Rome, donc, et avec une documentation avec tout l'éventail donc, de ces relations, c'est-à-dire les relations avec ce qu'on appelait les provinces, c'est-à-dire les pays d'Europe et d'Amérique, tout était originaire, les missionnaires, qui s'occupaient donc de leur formation, mais sur tous les pays ou territoires africains où travaillaient les Pérouins. Ces archives sont des archives privées, elles ne sont pas ouvertes au grand public. Alors, on accepte les chercheurs de bonne foi, c'est marqué comme ça dans le site même aujourd'hui, qui viennent consulter les documents, toujours obligatoirement avec l'argument d'une recherche académique. On ne vient pas ici pour vous faire taper un petit tour, voilà, se raconter des petites histoires, ou peut-être faire des recherches un peu en généalogie familiale. Non, non, il faut une recherche académique. Puis on y accède en demandant de l'autorisation, de les consulter, et en général, qu'on vous accorde bien volontiers, ça ne pose pas de soucis. Alors, juste une description, quand on arrive à Rome, bon, évidemment, on sort de la centralité de Rome, voilà, à l'ouest du Tibre, on laisse le quartier, le Vatican derrière nous, et puis on grimpe une très, très, très, très, très longue avenue qui s'appelle la Via Aurelia, donc qui donne le dos au Vatican. Et au 269 de cette très, très, très longue avenue, on a un immense bâtiment en U, plutôt massif, plutôt austère de l'extérieur, qui vous accueille, et la bibliothèque et le centre d'archives donc se trouvent au rez-de-chaussée, avec de très très nombreux rayonnages. Et à l'époque où j'ai commencé à fréquenter le 269, comme on disait, entre nous, évidemment il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas de base de données électronique, il n'y avait pas de photocopieuse, il y avait un système d'archives, parce que c'était interdit, donc il fallait prendre des notes, des carnets de notes comme ça, parce qu'on avait peur d'abîmer les archives. Il y avait un système d'archivage, de cotage extrêmement basique et des classements en fiches, hein, et en tiroirs et des gros cartons gris et marron. Et il fallait se débrouiller avec la disponibilité et la bienveillance de l'archiviste, toujours âgé. J'en avais connu trois en même temps, c'était terrible. Parce que, juste un mot, parce que la responsabilité de la bibliothèque et du centre d'archives incombait en fait à des missionnaires qui arrivaient à l'âge de la retraite, donc forcément. Et pour moi, c'était vraiment d'une tristesse de ne pas retrouver le même interlocuteur, car à chaque fois que je revenais, en fait, ben, j'apprenais le décès de celui qui m'avait accueilli précédemment, et je mettais toujours un peu de temps à m'en remettre, mais sérieusement, hein, c'est... Et puis surtout que j'arrivais toujours avec un petit cadeau que je donnais à son successeur, et non mais il faut le dire, parce que c'est... Oh, il y a toujours un peu d'émotion comme ça. Et en plus, comme ce n'était pas des archivistes de profession et des bibliothécaires de profession, donc on avait affaire à des gens, voilà, qui n'avaient pas l'arrogance du métier, pardonnez-moi pour les archivistes, c'est pas ce que je veux dire, j'en ai connu d'autres adorables, etc. Donc ils étaient prêts à faire beaucoup, beaucoup de choses pour les lecteurs. Et c'est vrai qu'en tant qu'usagère régulière, j'ai eu à y aller de très nombreuses fois. Donc j'ai été vraiment témoin de l'évolution technique de cette bibliothèque donc, et des archives de cette maison qui s'est professionnalisée au fur et à mesure et qui est devenue donc, un espace aujourd'hui spécialisé de la recherche donc avec toutes les prestations techniques qui accompagnent le travail du chercheur, mais l'archiviste bibliothécaire est toujours celui qui arrive à la retraite. Et aujourd'hui, évidemment, on dispose de banques de données, de bases de données électroniques. Une partie des archives sont accessibles sur le net. Donc, alors, moi, quelques mots, moi, justement, sur cette matière absolument extraordinaire. Parce que ce qu'il faut souligner pour les historiens que nous sommes, c'est que les missionnaires, en fait, ont produit leurs propres archives. Et c'est une vitrine absolument remarquable, à la fois de leur regard et aussi de leurs actions, dans des espaces et des sociétés voilà, dans lesquelles ils se sont installés et ont vécu pendant très, très longtemps. Et leurs archives, comme leur bibliothèque, est vraiment un état des savoirs d'une époque sur tel type, sur tel ou tel espace. Et on comprend aussi comment des savoirs considérables se sont constitués sur l'Afrique, nord et sud d'ailleurs, dans des disciplines multiples, mais on comprend aussi les paradigmes structurants de ces savoirs et même l'évolution de ces paradigmes-là. Parce que quand on lit ce qui a été écrit par exemple sur l'Algérie, je prends sur la Kabylie par exemple, parce qu'ils se sont installés en premier lieu là-bas, parce qu'ils considéraient que les Berbères c'était d'anciens chrétiens et qu'on allait réussir à les évangéliser plus facilement, à les faire revenir à leur première religion. C'est évident que quand on lit ce qui a été écrit sur la Kabylie des années 1870, ça n'a plus rien à voir avec ce qui a été écrit sur la Kabylie de 1830-40, voilà, toute une série de réformes, de travail sur eux-mêmes et puis d'introspection assez remarquable. Et les Pères Blancs ont été des observateurs particulièrement attentifs, perspicaces, mais aussi des producteurs prolifiques, en fait, de connaissances et de savoirs construits. Et outre la matière, je veux dire, de savoir produire, je pense à des thèses non publiées, à des monographies sur une grande variété de sujets, mais de très nombreux dictionnaires, parce que la linguistique a été vraiment la discipline mobilisée par les missionnaires, des dictionnaires qui sont aujourd'hui une référence encore sur la langue arabe, sur les langues berbères, sur les langues africaines, et qui étaient publiés par les imprimeries des Pères Blancs eux-mêmes, hein, dans les villes de pays où ils se sont installés. Donc on a une quantité invraisemblable de dictionnaires, et puis des travaux exceptionnels qui sont encore des références aujourd'hui en ethnologie et en islamologie, parce que évidemment, quand on s'installe dans un pays où l'islam est la religion dominante, eh bien, on a intérêt à s'approprier tous les savoirs sur cette religion dominante, surtout quand on a un projet d'évangélisation. Bon, c'est pas la question aujourd'hui. Alors, dans cette matière, effectivement, il y a les documents internes à la congrégation. Alors, évidemment, comme vous pouvez imaginer, les correspondances, les rapports, les documents, statistiques, enquêtes. Et moi, évidemment, pour moi, c'était ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les dières, parce que les Pères Blancs, les supérieurs Pères Blancs étaient obligés de remplir un tableau de bord, hein, un journal quotidien, alors là, qui fourmille d'informations, les registres de baptême, et puis les registres de baptême in articulo mortis, parce que alors là, qui constitue une matière absolument... une matière anthropologique passionnante. Alors le baptême in articulo mortis, en fait, voilà, c'est tout simplement, mais j'ai découvert ça par la suite, parce qu'il y en avait comme ça, et je me suis dit, mais ils ont baptisé à tour de bras, c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est pas le baptême en tant que sacrement, c'est l'ondoiement, en fait, il y a cette forme-là, c'est-à-dire qu'on va, comme la question, l'action caritative et médicale était très très importante, voilà, la personne est à l'article de la mort, ben voilà, on fait le principe de l'ondoiement, et on le marque dans le registre de baptême in articulo mortis, sauf qu'on a tous les éléments, parce qu'on a les noms, les prénoms, l'appartenance de la tribu, l'âge, la situation sociale, enfin l'adresse, on a tout. Donc moi je sais que ça m'avait permis par exemple de faire une analyse sur la morbidité de la société kabyle en calculant des taux de mortalité infantile et qui disent beaucoup de choses sur la question du développement et autres, que je n'aurais jamais pu faire sans les documents que j'avais pu trouver justement dans ces registres-là. Et puis, il existe quelque chose de magnifique parce que les Pères Blancs, ça a été des très grands photographes et donc une photothèque absolument exceptionnelle de plusieurs milliers de photographies. Et là, voilà, ça c'est une matière magnifique pour nous, historiens, parce que, comme vous savez, la photographie, elle en dit des choses. Hein, voilà. Moi, j'en avais utilisé quelques-unes, c'était très intéressant parce que quand ils photographiaient, en fait, si j'en reste pour l'Algérie, les individus, en fait, on avait toujours l'impression qu'on a affaire à des semi-animalités, c'est-à-dire des façons de photographier, et ça c'était au tout début, des gens très pauvres, dans un dénuement absolu, voilà, qui sont couverts par des morceaux de chiffon. Alors évidemment, ceux qu'on arrive à évangéliser, ils ne sont pas photographiés du tout de la même façon, ils sont très propres, ils sont beaux. Ils sont bien coiffés, ils portent des vêtements magnifiques. Bref, cette photothèque est absolument exceptionnelle. Et bien évidemment, adjacent aux archives, on a la bibliothèque. Voilà. Et la bibliothèque, voilà, où on a des ouvrages extraordinaires, voilà, sur tout ce qui était littérature, tout ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque sciences sociales et humaines sur l'Afrique, plutôt sur les humanités. Alors, juste un mot, parce que je n'ai pas envie de prendre trop de temps, mais moi, je voudrais retenir, en fait, outre le fait que j'adorais aller là-bas travailler, parce qu'on était dans une tranquillité absolue, qu'on était accueillis comme des rois, et que et que j'ai fait quelque chose qu'on ne peut plus faire maintenant quand on travaille dans les archives, c'est-à-dire rentrer directement dans les dossiers et on dit attendez, ben, ces choses-là n'ont pas été très très bien cataloguées, mais vous pouvez y aller. Et donc on arrive et on met les cartons sur la table. C'est impossible aujourd'hui. Donc là, franchement, jouer à l'inspecteur Colombo, c'était super. On ne peut plus le faire aujourd'hui comme ça parce que je trouve qu'il y a moins d'excitation. Mais c'était... Et justement, en faisant ça, je découvre un journal intime d'un... Deux épisodes que je retiens. Un journal intime d'un père blanc qui avait daté de 1909 et qui avait échappé totalement à la vigilance des autorités hiérarchiques parce qu'il n'était pas question que... On incitait beaucoup les pères blancs à écrire. Voilà... sur papier un certain nombre de choses mais celles-ci elles n'arrivaient pas. C'est le seul que j'ai pu récupérer dans les archives parce qu'on les détruisait en amont, évidemment, bien sûr. Et là, évidemment, on a accès à l'intimité d'un individu, hein, à ses états d'âme, à ses doutes existentiels, voilà, à son immense lassitude. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'était difficile comme job être missionnaire en Algérie à la fin du 19e siècle. Franchement, c'est là effectivement il fallait avoir la foi. Et c'était très intéressant d'accéder justement à ces documents personnels qui permettent effectivement d'appréhender l'épuisement des individus. Parce qu'on leur demandait énormément de choses. C'est-à-dire, ils étaient réveillés à 4h du matin, ils étaient couchés à 11h du soir. Et ils étaient toutes options. Ils étaient médecins, ils étaient assistants sociaux, ils étaient psychologues, ils étaient enseignants, ils étaient agriculteurs, ils étaient artisans. Et il me dit quand même, c'était... C'est des profils de performance, moi qui. Voilà, qui m'avait. J'avais trouvé ça très intéressant. Et puis surtout, je découvre aussi l'âpreté de l'espace algérien dans le contexte colonial. Ben, c'était tout sauf facile, quoi. Et je découvre dans ce journal intime de Père Blanc, c'est l'immense fatigue et la maladie. C'est-à-dire que les missionnaires, il y avait un turnover incroyable parce que les gens ne restaient pas plus de 5-6 ans sur le même poste missionnaire parce qu'ils tombaient malades et notamment de la tuberculose. Et en fait, ils tombaient comme des mouches. Et quand ils arrivaient à s'en sortir, ils se retrouvaient en sanatorium. Donc là aussi, des choses extrêmement intéressantes. Et que malgré les injonctions de la communauté, le travail en famille, en fait, voilà, de la communauté, l'immense solitude. Donc là, pour le coup, on a accès à autre chose. Qu'on ne retrouve pas du tout dans les archives et dans les tiers et dans les rapports des supérieurs des postes missionnaires. Ça, c'était un moment de grande... voilà, quand on découvre ce genre de produit, on se dit qu'on n'a pas perdu sa journée. Et puis, la deuxième chose sur laquelle, effectivement, deuxième épisode, c'est que, étant moi-même d'origine algérienne et... Je travaille sur ma propre société, l'histoire de ma propre famille. Eh bien, un moment assez extraordinaire où je découvre dans un vieux carnet jaunier, ben là toujours aussi, c'est des choses qui n'ont pas été cataloguées comme il aurait fallu et que j'ai ce père Lamé tellement gentil qui m'avait abordé, il m'a dit oh, mais mademoiselle, ça pourrait vous intéresser, regardez ce que j'ai découvert, etc. qui me le pose sur la table. Et donc, dans un vieux carnet jaunis, eh ben, je trouve un secret de famille qui concerne ma propre famille, ma propre histoire. Alors là, franchement, c'est totalement inédit et ça n'arrive pas souvent. Et où je retrouve le nom de famille de mon arrière-grand-père personnel, donc, dans ce vieux carnet, et dans un registre de catholicité. Et je dis, non, mais attendez, c'est pas ce qui se trouve. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, vous dites qu'on est historien et que quand on arrive à travailler sur ces choses, il n'y a pas de hasard. Alors là, ça, on l'oublie. Et qu'il y a toujours en fait des fils conducteurs extrêmement souterrains, invisibles, qui vous guident sans que ce soit verbalisé ni formalisé, et que intuition, enfin supposée intuition par supposée intuition, il y a tout un cheminement de recherche en fait qui renvoie à un cheminement personnel et que paf, vous tombez là-dessus. Et ça m'a permis enfin de comprendre certaines choses dans l'histoire familiale, des malentendus, peut-être certaines névroses aussi, enfin des choses comme ça. Je pense que, voilà, que dépositaire du secret de famille, j'ai pu mettre des mots sur un certain nombre de choses, et c'est dans ce de 169 de la Via Aurelia à Rome que peut-être j'ai échappé à une longue analyse psychanalytique et que j'ai pu donner des éléments à mes propres familles qui a permis, off, de tourner la page. Je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Je reviens. Souvenir partagé, totalement subjectif, d'une usagère, d'un centre d'archives, d'une société missionnaire. Merci. Merci.